Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un classique de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Été 1975, nous sommes à Amity, petite station balnéaire de la côte est des États-Unis. Farniente, bonheur, mais soudain, horreur. Venant des tréfonds de l'océan, un requin géant commence à dévorer des baigneurs insouciants les uns après les autres. Un vrai festin. Le shérif local, un biologiste marin et un chasseur de squales se liguent alors pour terrasser le requin. À l'arrivée, un film qui a terrifié des millions de spectateurs dans le monde. Mais à quel prix ? Celui d'un tournage qui a failli tourner au fiasco total. Troisième film de Spielberg et maître étalon de l'épouvante moderne, Les Dents de la Mer est un succès colossal pour un film qui a failli ne pas voir le jour. Un requin artificiel qui ne veut pas fonctionner, un budget revu à la hausse toutes les semaines, un tournage qui s'éternise et une ambiance qui peu à peu se détériore sur le plateau. Retour sur un défi qui est passé à deux doigts du naufrage. Notre invité aujourd'hui, Gaël Golin, rédacteur en chef du mensuel Première, magazine cinéma, bien sûr. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Guys, we can't shoot right now, hold on. 1973. Steven Spielberg a 26 ans et il n'est encore qu'un espoir, parmi d'autres, dans le Hollywood des années 70. Il fait partie de cette génération qu'on a appelée le Nouvel Hollywood et qui réunit des cinéastes comme Martin Scorsese, Francis Coppola, George Lucas ou Brian De Palma. Mais là où ses camarades ne rêvent que d'indépendance, lui est un salarié au service des studios Universal. Eux visionnent en boucle des films d'auteurs européens, lui a été biberonné à la série B et à la culture télévisuelle, comme il le rappelle dans l'émission Clap sur France 2, le 31 janvier 1976. C'est inhabituel, c'est vrai, mais j'ai commencé si jeune, bien avant 27 ans. J'ai commencé en faisant des courts-métrages que j'ai produits avec mon propre argent. Des courts-métrages qui coûtaient il y a 8 ans environ $200. Les films ont été vus par des professionnels et ils m'ont donné le premier départ. Ils m'ont dit, vous pouvez être un réalisateur de télévision. Ça leur semblait évident. J'ai commencé à travailler à la télévision à 21 ans et j'y ai fait mes classes. Réalisateur du premier épisode de la série célèbre Columbo, Spielberg se fait remarquer par un téléfilm, Duel, qui met en scène un automobiliste pourchassé par un chauffeur de camion dans un enchaînement de scènes routières et horrifiques impressionnantes, survitaminées. Et d'ailleurs, tout va très vite pour Spielberg, puisque son premier vrai long-métrage, Sugarland Express, est encore en post-production, quand commence l'aventure des Dents de la Mer. Une aventure qui débute le jour où Spielberg met la main sur un roman de Peter Benchley, intitulé Jaws, Mâchoire en français. Persuadé qu'il s'agit d'une histoire de dentiste, il l'emporte avec lui et le lit en un week-end. Immédiatement, les enjeux du livre lui rappellent ceux de Duel. C'est l'histoire d'un chasseur de squales affrontant un spécimen mangeur d'hommes dans la baie de Long Island, tandis que la majorité des commerçants locaux, par peur d'un crash économique, préfèrent ignorer le carnage. Son auteur, Peter Benchley, a mixé un authentique fait divers de 1964 avec la pièce de Henrik Ibsen, L'ennemi du peuple, où il n'est pas question de requins, mais d'eau contaminée. Pour Spielberg, Duel et Jaws sont deux mots de quatre lettres et les deux récits parlent de géants qui attaquent les humains. On jurerait une sorte de suite aquatique, pense-t-il. Dès lundi, il appelle ses producteurs et il leur dit « Confiez-le-moi, je peux en faire un truc fun ». Confidence du cinéaste dans l'émission Pour le cinéma sur TF1 le 21 décembre 1975. Oui, ce qui m'attire, c'est l'ennemi inconnu. Un ennemi plus difficile à affronter que ne l'est un homme. Un ennemi qui peut à la fois vous faire face, vous regarder dans les yeux, et peut attaquer de tous côtés. C'est cela que j'aime. Ça m'intéresse plus de faire un film traitant d'une force supérieure, comme par exemple un camion qui n'a qu'un comportement abstrait de machine. a mindless behavior machine. And in dans Les Dents de la Mer, the shark le requin n'est à mes yeux qu'une machine à dévorer, un meurtrier mythique qui ne s'interroge pas sur ses mobiles. Les producteurs Zanuck & Brown, qui surfent sur le triomphe de l'arnaque avec Paul Newman et Robert Redford, ont déjà pris les devants. Ils bataillent ferme pour convaincre Universal de s'intéresser au projet. Et ils damnent le pion à la Warner pour les droits du livre. Ils se sont déjà engagés à verser à l'auteur 150 000 dollars, ainsi que 25 000 dollars pour qu'il adapte lui-même son roman. Alors que celui-ci n'est pas encore sorti dans le commerce et qu'il ne deviendra que bien plus tard un best-seller. À ce stade, Spielberg n'est pas envisagé pour réaliser Les Dents de la Mer. Les producteurs pensent au vétéran John Sturges, depuis qu'il a signé Le Vieil Homme et la Mer. Mais en visionnant le film et ses trucages hyper kitsch, Zanuck & Brown change d'avis. Il se tourne alors vers Dick Richards, 37 ans, qui a le vent en poupe, après son western La Poussière, La Sueur et La Poudre. Mais un déjeuner catastrophique a raison de cette association. Richards, à trois reprises, confond le requin avec une baleine. Exit Richards. Le nom de Spielberg revient alors sur le tapis. D'autant que le réalisateur de Duel met en avant son envie de faire de Jaws un film d'horreur réaliste en tournant en pleine mer. Zanuck & Brown approuve l'idée. Dans le making-of du film, Brown rappelle à quel point ils étaient inconscients. Si on avait lu deux fois le texte, on n'aurait jamais fait Jaws. Car quiconque, ayant un minimum de connaissances sur la production et la réalisation d'un film, aurait su qu'il est impossible de faire bondir un requin sur l'arrière d'un bateau et d'avaler un homme. Comment allions-nous faire? Qui allait s'en charger? Les deux producteurs s'entendent sur un budget, 2 millions de dollars et demi, et sur une durée de tournage, 55 jours. Dans l'optique réaliste voulue par Spielberg, il compte sur une sorte de dompteur pour faire réaliser des pirouettes à d'authentiques requins blancs. Dans leur esprit, puisque les parcs d'attractions regorgent d'orques et de dauphins dressés, pourquoi ne pourrait-on pas en faire autant avec des requins après tout? Mais Ron et Valerie Taylor, un couple de documentaristes spécialistes de ces bestioles, basés en Australie, ramènent les deux producteurs à la raison. Dresser des squales façon animaux de cirque est impossible. Les filmer au plus près et provoquer chez eux un comportement agressif l'est encore plus. Le couple Taylor est alors embauché pour tourner certaines scènes avec des vrais requins qui serviront de raccord dans le film. Listen, can you tell me how I could find Chief Brody? Who are you? Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute. Oh, for Christ's sakes, you're the guy we called. I'm Brody. Oh, I'm very glad to meet you. Yeah, I'm glad to meet you. Listen, too. I know you got a lot on your hands right now, but... Et comme souvent, le casting est une autre question épineuse. Les producteurs veulent Charlton Heston pour le rôle du shérif Brody, le chef de la police d'Amity, mais côté caché, la star est trop gourmande. Et de toute façon, Spielberg a horreur des acteurs qui ne pensent qu'à l'argent. Or, Robert Duvall est envisagé, à un moment, avant que Roy Scheider, l'un des flics du racuir de French Connection, fasse l'unanimité. Pour Quint, le chasseur de requins bourru, Spielberg suggère le nom de Lee Marvin. Mais celui-ci décline, prétextant qu'il prend la pêche très au sérieux. Sterling Hayden, lui aussi, est approché, mais il doit refuser parce qu'il est poursuivi par le fisc. Zanuck propose ensuite le nom de Robert Shaw, avec qui il vient de faire L'Arnaque. Shaw, écrivain à 16 heures, et qui trouve que le roman de Benchley est, je cite, « une sombre merde mal écrite », envoie promener le producteur, avant de se raviser quand on lui promet un cachet de 200 000 dollars. Enfin, pour jouer l'océanographe Hooper, Spielberg jette son dévolu sur le jeune Richard Dreyfuss, acteur réputé incontrôlable, accro aux enfaits, mais que Spielberg apprécie depuis qu'il l'a vu dans American Graffiti de son copain George Lucas. Dreyfuss est méfiant. Ça ne va jamais marcher. Le requin ne va pas fonctionner, le tournage va durer 6 mois, ce sera l'horreur, ronchonne-t-il. Malgré tout, il finit par accepter et s'en explique dans le making-of. J'ai dit qu'à mon avis, ça allait être un film génial, mais que je préférais le voir que jouer dedans parce que le tournage allait être galère. Plus tard, je suis allé à la première d'un film que j'avais fait au Canada, L'apprentissage de Dick Kravitz. Je me suis vraiment vu pour la première fois à l'écran et là, j'ai été saisi. J'étais effondré. Je me suis trouvé abominable. et j'ai pensé que je devrais trouver un travail très rapidement. J'ai donc appelé Steven, j'ai dit « si tu veux toujours m'engager, c'est d'accord », et il a dit oui. Donc en fait, au final, je les ai suppliés de me donner le rôle. Reste à trouver le moyen de figurer le requin du film. Puisqu'il est hors de question d'en prendre un vrai, la question est comment en fabriquer un faux. Spielberg sort alors de sa retraite un certain Bob Mattei, le technicien qui avait fabriqué le poulpe géant vu dans le classique de Disney 20 milieux sous les mers. Mattei demande 15 semaines pour fabriquer un requin mécanique crédible, la production lui en donne 6 et le budget gonfle de $600,000. En attendant que le requin soit prêt, Spielberg met le cap sur la petite île de Martha's Vineyard. Située à quelques encablures de Boston, cette station est connue pour être la résidence d'été des présidents américains. C'est donc ici qu'aura lieu le tournage. Mais le scénario n'est pas complètement prêt. Le travail effectué sur le script par l'auteur lui-même, Peter Benchley, tient plus de l'adaptation littéraire que d'une version cinéma. Spielberg a bien tenté de réécrire cette version avec Howard Sackler, collaborateur de Stanley Kubrick sur ses premiers films, mais Sackler quitte très vite le navire. Spielberg demande alors à son ami Carl Gottlieb, qui doit jouer un petit rôle dans le film, de l'aider à mener à bien ce fichu script. Gottlieb travaille jour et nuit pour remettre le scénario d'aplomb, et chaque soir, le réalisateur, ses comédiens et la monteuse du film, Verne Fields, se réunissent pour affiner le script et retoucher les dialogues dont il n'y a que quelques lambeaux. Ils s'entendent pour rendre les personnages plus humains, plus crédibles, la tension plus insupportable encore et le suspense plus effrayant. Gottlieb est chargé à chaque fin de séance de remettre leur brainstorming au propre. Spielberg a alors le plaisir d'apprendre que Sugarland Express, son film, est sélectionné au Festival de Cannes. Mais seul le scénario est primé et le cinéaste est vexé de n'avoir pas été récompensé pour son travail de réalisateur. Alors il devient ombrageux, commence à avoir peur que Les Dents de la Mer ne deviennent un projet trop sérieux. Et il fait appel à son ami le cinéaste John Landis pour redonner du peps au scénario. Mais il va le congédier quelques temps plus tard, trouvant ses idées trop fantasques. En colère d'avoir été écarté des nouvelles versions du scénario, Peter Benchley, l'auteur, se déchaîne contre Spielberg dans le Los Angeles Times. Le problème, c'est que Spielberg ne connaît rien à la vie. Il n'a que 26 ans et il ne s'intéresse qu'aux séries télé et au cinéma. Et dans quelques années, il sera sans doute le meilleur réalisateur de seconde équipe d'Hollywood. Mais sa manière d'habiller les personnages, de leur donner une densité psychologique, consiste à puiser dans les clichés des films des années 40 et 50. Même pas mal. Spielberg n'en prend pas ombrage et offre même, grand seigneur, à l'auteur un petit rôle de journaliste télé. En mai 1974, le réalisateur commence ainsi à mettre en boîte quelques plans simples, se réservant les séquences compliquées pour plus tard. Mais très vite, Spielberg se heurte à un problème imprévu. C'est la période des régates aux alentours de Martha's Vineyard. Impossible de filmer des scènes d'attaque de requins avec des dizaines de voiliers de toutes les couleurs à l'horizon, bien sûr. Alors il faut attendre, changer les angles de prise de vue. Dès le début, Spielberg prend la mesure des difficultés à tourner en pleine mer, comme il en témoigne à la télé américaine. C'est mon deuxième jour de tournage. And I have 54 more days to go. Et il m'en reste 54. And if I survive this, I'll learn a lot. Et si je survis, j'aurai beaucoup appris parce que c'est deux fois plus lent de tourner en mer que sur terre. Quand vous posez la caméra pour filmer un plan, le temps que vous soyez vraiment prêt à tourner, le bateau a bougé à cause de la marée, du vent. Tout est à refaire. Le 6 juin, soit un mois après son lancement, le tournage des Dents de la Mer a déjà pris 14 jours de retard. Et l'équipe technique commence à devenir très hostile à l'égard de Steven Spielberg. Richard Dreyfuss, qui comme prévu passe son temps à faire la bringue, n'hésite pas à écorner l'image de son réalisateur dès que des médias lui tendent un micro. Ce qui émane de Steven à son insu, c'est que c'est un grand gamin qui a décidé à 12 ans de devenir réalisateur et qui a toujours 12 ans dans sa tête. il épuise toutes ses capacités, tout son talent à tourner des films en faisant complètement abstraction du monde extérieur. Profitant du fait qu'Hollywood s'est installé sur leur terre, les commerçants de Martha's Vineyard gonflent leurs prix et l'hôtellerie ou la restauration font exploser le budget du film. Chaque jour passé sur cette île coûte une fortune à Universal. Alors, en haut lieu, on envisage déjà de renvoyer le réalisateur si les premiers essais caméra du requin ne sont pas satisfaisants. C'est au 38e jour de tournage que Spielberg se déclare prêt à filmer le squal mécanique conçu par Bob Mattei. Le réalisateur a baptisé affectueusement son faux requin Bruce, du nom de son avocat. Mais oui, Bruce Rammer. Dans son livre The Jaws Log, le co-scénariste Carl Gottlieb écrira plus tard. Aujourd'hui, la légende dit qu'on surnommait le requin mécanique Bruce. Mais croyez-moi, je n'ai jamais entendu personne de l'équipe l'appeler comme ça durant le tournage. Quand on faisait référence à lui, on disait plutôt « ce gros fils de pute de requin » ou quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a de quoi avoir la haine contre ce requin mécanique, car les essais sont loin d'être probants. Bruce est bâti sur une armature en acier, plantée au sommet d'une tour de 4 mètres de haut. Le tout est fixé sur un traîneau sous-marin, et lorsque celui-ci est remorqué, le requin se déplace à la surface de manière parfaitement crédible. En théorie, car le premier jour des essais, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et Spielberg se souvient. À sa mise à l'eau, tout se passe à la perfection. La grosse bestiole surgit de l'eau comme convenu. Brusquement, la tête plonge comme l'avant d'un sous-marin. Et la queue bascule dans l'autre sens. Il y a une gerbe de bulles, puis une autre. Et c'est le silence complet. Notre requin sombrait au fond de l'eau. Bilan de l'opération, Bruce est HS pour au moins 4 semaines. Ce jour-là, quand j'ai vu Bruce couler, j'ai vu nos carrières couler avec lui, se souviendra le producteur David Brown. Son requin parti au garage, Steven Spielberg n'a d'autre choix que de chambouler son plan de tournage. C'est alors qu'il a l'idée qui fait aujourd'hui encore des Dents de la Mer un sommet de l'horreur suggestive. Il décide de filmer la bête en l'évoquant plutôt que de la montrer. Un aileron ici, un morceau de queue là, un bout de museau ailleurs. Spielberg trouve là l'une de ses idées majeures de mise en scène. Résultat, les Dents de la Mer restent dans toutes les mémoires. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. The scene shifts to now, the ever-glorious now, the ever-present now. Dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, sharks patrol these waters, sharks patrol these waters, hey, don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver, it won't save you, it won't save you, swim for the shore just as fast as you were able, swim! We'll be right back. France Inter. What's that? It's a whale. Affaires sensibles. Well, and I know you fair Spanish lady. Nous sommes au 50e jour de tournage des Dents de la Mer et l'équipe passe son temps à demander au réalisateur quand tout cela va s'achever. Une anecdote est assez révélatrice de l'ambiance à ce stade de la création. Alors que l'on tourne une scène où les trois héros chantent dans la cabine du bateau, toute l'équipe se met à pleurer. Le réalisateur pense qu'ils sont étreints par l'émotion, alors qu'en fait, c'est le contenu de la chanson qui suscite ses larmes. Les paroles sont, il est vrai, éloquentes. Montre-moi le chemin du retour à la maison, je suis fatigué et je veux juste aller dormir. Roy Tanner résume bien cet état d'esprit général sur le tournage. Je crois que petit à petit, on a tous un peu perdu la boule à cause de ce tournage interminable. Un jour, j'ai déclenché une énorme bataille de nourriture dans l'hôtel le plus luxueux de la station. La production nous avait offert ce buffet magnifique pour nous redonner un peu de courage, mais très vite, sans trop savoir pourquoi. J'ai renversé la salade de fruits sur la tête de Steven, qui m'a aspergé alors de vin rouge, tandis que Richard Dreyfuss était recouvert de raviolis. Absolument tout le monde s'y est mis, sauf Zanuck, qui avait réglé la note et nous regardait assis au beau milieu de la pièce avec l'air absent. Il n'a pas récolté une seule tache de sauce. C'est alors que se produit l'accident qui va presque précipiter la fin du tournage. Depuis l'arrivée sur Martha's Vineyard, les techniciens s'interrogent sur la conception de l'Orca, le bateau de pêche sur lequel va se dérouler tout le dernier tiers du film. Aucune réplique du raffio n'a été prévue, et l'embarcation, en partie en verre, est extrêmement fragile. Alors, ce qui devait arriver, arrive. Pendant que Spielberg tourne en pleine mer un plan dans la cabine de l'Orca, une planche du bateau se démonte soudainement et les deux caméras passent par-dessus bord. Aussitôt, le chef opérateur plonge pour récupérer la pellicule et décide de la conserver dans un seau rempli d'eau de mer. Le bateau se met à couler et les acteurs sont évacués en urgence. Le bateau est sauvé, ainsi que la pellicule, mais le tournage a frôlé la catastrophe. Vu la situation, Sid Sheinberg, le boss d'Universal, se déplace sur le plateau, histoire de mettre Spielberg au pied du mur. En quelques mots, il lui fait comprendre que s'il faut que le réalisateur jette l'éponge, eh bien qu'il le fasse, parce que mieux vaut cela que de boire la tasse. Sheinberg propose même à Spielberg d'annuler le film et lui garantit que personne ne le remplacera. Mais fine mouche, il laisse une porte ouverte. Si tu m'affirmes en revanche que tu veux finir le film, je te soutiendrai à 100%, lui dit-il. Spielberg relève le défi. David Brown lui emboîte le pas et l'assure de son soutien. Même si tu ne ramènes qu'un plan par jour, continue de tourner, Steven. À vrai dire, Spielberg ne fait guère mieux. Les bons jours, il tourne 5 plans, les mauvais, pas un. En tout cas, aucun qu'il ne puisse garder. Et pendant ce temps, la monteuse, Erna Fields, est au chômage technique. Et les acteurs pètent les plans. Dreyfuss et Shaw se répandent chacun leur tour dans Time Magazine. Le premier pronostique que le film sera le navet de l'année, quand le second évoque ce satané scénario assemblé par une tripotée de monde, une vraie merde. Étrange métier que celui d'acteur où l'on peut dire pique-pendre de celui qui vous fait travailler, mais pour autant le tournage se poursuit. Ainsi, durant tout le mois d'août, dans des conditions de plus en plus difficiles. Toute l'équipe est atteinte du mal de mer. En premier, le Robert Shaw. Comme tétanisé, il s'écroule entre chaque prise. Le rythme de travail, d'une extrême lenteur, permet aux acteurs de retravailler les scènes au fur et à mesure, c'est déjà ça. À la fin du mois d'août, tout de même, arrive une bonne nouvelle. Le requin fonctionne, enfin, et toute l'équipe est ragaillardie. Le reste ne sera presque pure formalité. Le tournage est bouclé au bout de 5 mois. Spielberg, qui a plus que jamais l'eau en horreur, a entendu dire que les techniciens ont pour projet de le balancer par-dessus bord dès le premier plan tourné. Alors il se défile et laisse son directeur artistique, Joe Alves, finir les prises de vue. Et celui-ci va vite comprendre ce que le réalisateur a enduré jusque-là. Je n'avais que des plans en mer plutôt faciles à mettre en boîte durant ces 2 derniers jours. Mais je suis devenu dingue, littéralement. L'ancrage des bateaux, la sécurité, le requin, le changement de temps, autant d'éléments qui vous rendent la vie impossible. J'ai compris tout de suite l'épreuve terrible que Steven venait de traverser pendant ses 159 jours. Avant de retourner à Los Angeles, Spielberg fait accrocher par un hôtel de Boston. Dans sa chambre, il s'écroule, littéralement, terrassé par une crise d'anxiété. Tremblant, la mâchoire bloquée, il est parcouru de secousses électriques. Il croit voir son heure venue avant même d'avoir commencé le montage du film. Une fois arrivé à Louisville, Hollywood, il parvient à aller tourner quelques plans supplémentaires dans un bassin d'eau douce au studio de la MGM. Il y filme notamment la séquence du bateau à moitié chaviré. Et voilà, le film est en boîte, reste maintenant à le montrer pour lui donner toute sa force dramatique. Et Verna Fields, la monteuse, a fort à faire. Depuis mai, elle s'acharne à raccorder des plans qui ne raccordent pas. Et pour cause de soucis techniques, de requins récalcitrants, de météo capricieuse et de tout un tas de problèmes divers. Elle n'a plus que quelques semaines pour atteindre l'objectif du film, faire mourir de peur les spectateurs du monde entier. À ses côtés, Spielberg s'émerveille des prouesses dont elle est capable. Elle coupait une image de la tête du requin ici et une image de la queue avec une précision chirurgicale, par exemple. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Lorsque Spielberg montre un premier montage à Sid Sheinberg, le boss d'Universal, laisse tomber, tranchant comme un couperet, il lui dit « Pas mal. Aïe. Il manque à cette version un élément essentiel, la musique que John Williams est en train de composer. Mais une simple bande originale peut-elle métamorphoser ce petit divertissement pas mal en grand spectacle horrifique ? Quand Williams, qu'il a rencontré sur le tournage de Sugarland Express, présente son travail à Spielberg, le réalisateur n'est pas convaincu, comme il le raconte dans le making-of. When he finally played the music for me on the piano, il s'est mis au piano pour me jouer le thème principal. Je m'attendais à une musique étrange, mélodique, tonale, un peu effrayante, venant d'un autre monde, un monde sous-marin différent. Et en fait, il m'a joué deux notes. Au début, je me suis mis à rire, il avait un sens de l'humour génial et je croyais qu'il blaguait. Il a dit non, c'est le thème des Dents de la Mer. Je lui ai dit, rejoue-le. Ce qu'il a fait encore et encore, et soudainement, ça m'a semblé juste. John avait trouvé la signature du film. Au bout du compte, et on le sait maintenant, Williams vient de composer l'une des musiques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Sheinberg revoit alors le film dans sa version définitive, et une fois la lumière allumée, il se retourne vers Zanuck et Brown, s'exclamant « Bon sang, c'est déjà fini ?» Plus personne n'en doute. Les Dents de la Mer, ce sera un carton. Seul Spielberg préfère ne pas s'avancer. Et il déclare au New York Post du 28 juin 1975 « Ce film ne sera un film catastrophe que s'il ne rapporte pas d'argent. Là, ce serait vraiment une catastrophe. » Spielberg, le cinéaste qui n'aime pas les acteurs qui aiment l'argent. Avec un budget qui a triplé le devis initial et le barnum promotionnel organisé par Universal, le film se doit d'être un triomphe. Une chance, les premières projections test remportent un vif succès. Les effets de peur envisagés par Spielberg fonctionnent à merveille. À chacune de ses apparitions, Bruce, le requin, déclenche des hurlements de terreur dans les salles. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Jaws. See it before you go swimming. Devant les retours positifs des avant-premières, Universal décide alors de tester une méthode de sortie du film différente de celle qu'il adopte en temps normal. En général, les films sortent dans quelques salles, tout d'abord, avant que le parc ne soit élargi de semaine en semaine. Mais là, Universal décide de sortir 450 copies d'un coup au début de l'été 75, en plein dans la période de mise en scène dans le film. Cette méthode aura désormais cours pour chaque grosse sortie. Et les Dents de la Mer seront en quelque sorte le premier grand blockbuster moderne. Et puis, le comité de censure se montre bienveillant, n'exigeant que de très rares coupes pour permettre au film d'être vu avec avis parental conseillé. Parfait pour les ados, notamment, friands de ce genre d'histoire. Et pourtant, même Spielberg pensait que son film méritait une interdiction aux mineurs. Juin 75, c'est le grand jour. Le film sort sur les écrans aux États-Unis et bénéficie immédiatement des lauriers de la critique. Paul Kell, la très sévère journaliste New Yorker, l'encense par exemple, et compare Spielberg au maître russe Eisenstein. Au Masque et la Plume du 8 février 1976 sur France Inter, la critique également est unanime et Michel Simon y voit même un portrait d'une certaine Amérique. Dans ce qui est passionnant dans les Dents de la Mer, moi j'ai vu aussi une sorte de film rooseveltien, c'est-à-dire qu'on condamne les commerçants, on condamne l'entreprise privée qui envoie à la boucherie les gens sur les plages. C'est très intéressant et il y a trois personnages qui vont défendre, si vous voulez, l'Américain moyen. C'est d'une part, ça c'est très proche de Roosevelt et du New Deal américain, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le pêcheur qui est joué par Robert Shaw, qui représente l'homme du peuple, il y a d'autre part le policier. Et puis d'autre part, le policier, et d'autre part le savant. Oui. Et ce qui est le savant, l'océanologue. Oui. Et c'est les trois personnages qui s'unissent. Oui. Et finalement, celui qui triomphe, c'est celui qui est le plus américain moyen de tous. C'est-à-dire, c'est le policier que l'on voit un peu timoré, n'ayant pas dans sa famille l'autorité qu'il voudrait, comment, etc. Et finalement, le pêcheur est tué. C'est lui qui est tué parce qu'il voulait une prime. Et donc, il est puni parce qu'il désirait de l'argent. Le savant ne réussit pas vraiment. Et celui qui réussit, c'est celui avec lequel le public s'identifie le plus, qui est ce policier. Mais pas un policier à la Clint Eastwood, pas un policier tout puissant, mais un policier assez faible. Oui, c'est aussi l'histoire d'un requin qui mange des hommes. Voilà. En tout cas, le succès est au rendez-vous. En quelques semaines, le film rapporte 250 millions de dollars sur le seul territoire américain et 450 millions dans le monde. Il trônera durant 2 ans à la tête du box-office comme film le plus rentable de l'histoire du cinéma, avant d'être débouté par La Guerre des Étoiles. Mais pour Spielberg, la joie est de courte durée, car c'est bientôt la saison des Oscars et Sid Sheinberg est certain que Spielberg sera couronné meilleur réalisateur de l'année. Sauf qu'au moment des nominations, le cinéaste est oublié. À sa place sont sélectionnés Federico Fellini pour Amarcord, Stanley Kubrick pour son chef-d'œuvre absolu Barry Lyndon, Sidney Lumet pour Un après-midi de chien, Milos Forman pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et enfin Robert Altman pour Nashville. La concurrence est sévère, mais Spielberg est vert de rage. Le soir de la cérémonie, la statuette de meilleur film lui échappe au profit de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et les dents ne sont récompensées que pour le montage, la musique et le son. Spielberg se met à en vouloir à la terre entière, et notamment à ses camarades du Nouvel Hollywood qui n'ont pas voté pour lui. Il se met à reprocher aussi leur attitude, l'attitude de ceux qui ont profité du succès du film, à commencer par sa monteuse Werner Fields, catapultée vice-présidente d'Universal. Ses récriminations vont jusqu'à Richard Zanuck et Peter Benchley qui se sont, selon lui, ligués pour lui voler son mérite. À tel point qu'il refusera la proposition de Zanuck de réaliser la suite des Dents de la Mer. Le cinéaste ira même jusqu'à renier le film. Peu après la sortie de son œuvre suivante, Rencontre du troisième type, il vide son sac devant un auditoire londonien. Les Dents de la Mer est un film violent, méchant et grossier. Rien dans ce film ne m'était personnel. Tout était calculé. J'ai fait le montage avec jubilation, sachant l'effet que cela produirait sur le public. Mais je ne veux plus jamais travailler sur un film de ce genre. 20 ans après la sortie du film, l'American Film Institute, institution incontournable pour le cinéma et la télé américain, publie son top 100 des meilleurs films américains de tous les temps. Et bien 5 des films de Spielberg y figurent, dont E.T., La Liste de Schindler et Les Dents de la Mer. Mais le cinéaste tente par tous les moyens de le faire retirer du palmarès, sans succès. En tout cas, cela montre à quel point Spielberg a entretenu des années durant un rapport traumatique à ce film. Et c'est pourtant cette œuvre qui a lancé le modèle des films d'action à gros budget que les studios hollywoodiens sortent durant la période estivale dans des milliers de cinémas avec une importante promotion. Grâce aux Dents de la Mer, la carrière de Steven Spielberg était lancée. Quelques temps plus tard, il allait enchaîner avec une autre épopée, Rencontre du troisième type. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Nous vous avons raconté les coulisses et l'histoire du film Les Dents de la Mer. On en parle maintenant avec Gaël Golen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au mensuel Première, magazine cinéma bien sûr, et aussi chez Première Classe X. On a entendu tout à l'heure les critiques du Masque et de la Plume. C'est tout leur charme. C'est amusant, mais c'est tout leur charme de voir des trucs qu'on voit pas, nous. Nous, on voit surtout des requins qui attaquent des touristes. Quel est votre regard, vous, sur ce film? Je pense que c'est effectivement un des films qui a, d'une certaine manière, changé Hollywood. Ça ne sera plus du tout la même chose, la même histoire après celui-là et après Star Wars, évidemment. D'un point de vue industriel, je pense, et puis aussi d'un point de vue artistique et créatif, parce que, à mon avis, Les Dents de la Mer fait entrer la jeunesse vraiment dans l'industrie hollywoodienne. C'est à mon avis le changement principal qu'on voit en fait avec effectivement l'irruption d'un cinéaste qui a, vous le disiez, 26-27 ans quand il le fait, et qui réussit l'un des plus gros succès, à l'époque le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Petite parenthèse quand même, on en a parlé un peu, mais on connaît Spielberg, il se fait connaître avec Duel. Et Duel est un chef-d'œuvre. C'est en fait un film tellement impressionnant, notamment quand on voit le chauffeur routier. Avant de le voir, il y a le fameux plan de la botte sur le marchepied du camion. Et on voit qu'on a affaire à un jeune homme très doué quand même, d'emblée, non? Ah oui, totalement. C'est effectivement un surdoué, et un surdoué de, à mon avis, un surdoué de l'image. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense en langage cinématographique. Et je pense que c'est sa véritable spécificité dans ce groupe dont on parle, le groupe du Nouvel Hollywood, avec Scorsese, avec Coppola et avec De Palma par exemple. Je pense que lui, il a une vision directe du cinéma, c'est-à-dire qu'il voit en termes de cinéma. Il fait des choses, et on le voit d'ailleurs dans Les Dents de la Mer. C'est-à-dire les moments, je revoyais récemment le film, le moment où Roy Scheider regarde la mer et voit les baigneurs en train de prendre des risques alors qu'il sait qu'il y a un requin qui rôde. La manière dont la caméra se rapproche progressivement par des cuts. C'est formidable. Il y a une manière de raconter une histoire, une sensation, c'est-à-dire en l'occurrence la paranoïa du héros, juste avec le langage cinématographique, qui est unique à mon avis. Le film est terrifiant, il est fait pour ça, il est horrifique, mais il est pas horrifique avec des petits hommes verts, avec des drôles de costumes, il est horrifique dans la réalité, dans le réalisme. Est-ce que c'était une nouvelle façon de faire ça? Est-ce que ça participe justement de l'efficacité de l'horreur au cinéma? Oui, complètement. Alors, ceci dit, on peut faire de Spielberg, et je pense que ça en est un révolutionnaire. Les Dents de la Mer me paraît aussi beaucoup copié sur Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Oui, ouais, absolument. C'est-à-dire que effectivement, la menace extérieure, animale en plus dans ces cas-là, elle est moins probable quand même, l'attaque d'oiseaux. Alors là, l'attaque de requin, elle est malheureusement complètement probable. Complètement. Non, c'est vrai qu'il y a effectivement un risque qui est supplémentaire surtout quand on se baigne là-bas, mais au-delà de ça, je pense que la manière dont justement cette trouille est réalisée et mise en scène est effectivement relativement neuve. Mais cela dit, moi ce que je trouve, et vous le disiez dans le reportage juste avant, ce que je trouve formidable, c'est que toute cette histoire de révolution, si on emploie des grands mots, elle naît quand même de beaucoup de paramètres, et puis surtout beaucoup d'improvisation. C'est-à-dire que c'est parce que en fait le requin ne marche pas, et ben qu'on décide de ne pas le montrer. C'est parce que le film s'adresse à la jeunesse qu'on va essayer une nouvelle manière de communiquer, de marketer le film, notamment par les spots de pub à la télé. Donc il y a une forme d'improvisation qui amène à la réalisation d'un chef-d'œuvre. Paul Schrader, réalisateur, mais aussi scénariste de Taxi Driver, notamment, a écrit au sujet de La guerre des étoiles du complice de Steven Spielberg, George Lucas. C'est le film qui a bouffé l'âme et le cœur d'Hollywood. On lui doit la vague de bandes dessinées à gros budget, la mentalité qui va avec. Est-ce que ça pourrait s'appliquer, concernant Spielberg, aux Indiana Jones, notamment? Totalement. Ouais. Totalement. Mais ça s'adapte à Spielberg tout court. C'est-à-dire que je pense que... Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Souvenez-vous de que montre le premier plan des Dents de la Mer. C'est des jeunes qui sont autour d'un feu de camp, au bord de la mer, en train de prendre du bon temps. Il doit y avoir des cigarettes qui rendent heureux. Il doit y avoir un peu d'alcool. Et c'est ce qu'il met à l'écran à ce moment-là. C'est les gens qu'il veut capter. C'est l'audience qu'il veut capter. Et c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a l'âge des gens à qui il s'adresse. Et c'est ça la vraie révolution, en fait. Et c'est ça que critique d'une certaine manière Schrader. C'est-à-dire que effectivement, c'est parce qu'il y aura eu Les Dents de la Mer, et puis parce qu'il y aura eu, de manière beaucoup plus massive, le Star Wars, qu'on va voir débarquer après les Superman, enfin tous les films de super-héros. Jusqu'à aujourd'hui. Les films, les péplums avec Schwarzenegger. Effectivement, il y a ça. Mais parce que, encore une fois, on cherche à capter ceux qui sont nés dans les années 50, en fait. C'est tout bête. Les Dents de la Mer arrivent en 75, c'est-à-dire au moment où les studios américains sont en crise. C'est-à-dire que la fin des années 60, il faut jamais oublier ça, à la fin des années 60, les studios américains ont quasiment tous frôlé la banqueroute. Et d'un seul coup, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui, effectivement, ont des ambitions et des obsessions qui sont propres à leur âge, qui arrivent, qui déboulent dans la profession et qui ont un talent remarquable. Et Spielberg incarne ça. Et juste une chose, lorsque vous disiez, fin des années 60, le cinéma américain n'est pas en forme. Pourquoi? C'est vrai que le cinéma italien est très en forme à l'époque. Hein. C'est lui le cinéma qu'on regarde. Le cinéma européen, effectivement, ouais. Plus généralement. Qu'est-ce qu'il a, le cinéma américain, le système des studios est en train de mourir progressivement. On s'aperçoit que la manière dont les films sont distribués ne fonctionne plus. Donc, d'ailleurs, le grand coup de génie de marketing et de distribution des Dents de la Mer va faire florès. Mais on s'aperçoit qu'on ne sait plus distribuer correctement les films. On s'aperçoit aussi que, en fait, les gens qui sont à la tête des studios sont des gens un peu âgés qui ont fait leur âge et qui ne savent plus s'adresser aux spectateurs. Et puis surtout, c'est des films qui coûtent de plus en plus cher, avec des stars qui coûtent de plus en plus cher et qui ne réalisent pas suffisamment d'entrées. Gaël Golan, on se retrouve dans 2 minutes et demie après avoir écouté Chien Noir, Échappée Belle. fait dérailler les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. On fait tourner le monde et la lumière surgit. Un trou dans le noir, le temps d'une seconde. Puisque la nuit est belle, qu'on veut rien en perdre, on reste debout. Je garde les yeux grands ouverts dans nos échappes-pelles. Le feu marche avec nous, le feu marche avec nous. On rêve de longs feux, on rêve de coins ici. Mais parfois même la fumée retombe. On fait tourner le monde, on fait dérailler les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. Puisque la nuit elle est belle, qu'on veut rien en perdre, on reste debout. Je garde les yeux grands ouverts dans nos échappées belles. Le feu marche avec nous, puisque la nuit elle est belle, qu'on veut rien en perdre, on reste debout. Je garde les yeux grands ouverts dans nos échappées belles. Le feu marche avec nous. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Galgolène, revenons quelques instants sur la symbolique réelle ou supposée de certains films. Spielberg a dit au sujet des Dents de la Mer, je voulais réaliser un film qui laisse des traces, pas au box-office, mais dans la conscience des gens. Enfin la conscience, est-ce vraiment le cas? Certains considèrent qu'il s'agit là d'un aimable divertissement, soyons... C'est alors peut-être pas vous dites non si non c'est la suite cas, non non la non non ce qui est intéressant c'est la suite de la phrase, c'est-à-dire que il disait aussi j'aimerais qu'on me considère comme Bob Rafelson, alors un cinéaste un peu oublié mais très important dans les années 70, ou Fellini, ou voilà, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière cette phrase c'est surtout l'ambition de Spielberg à ce moment-là et qui est très intéressante. Par ailleurs sur Jaws et sur son empreinte dans l'histoire du cinéma, moi je pense que c'est un film extraordinairement mis en scène avec des intuitions et des moments de génie, mais je pense pas que ce soit le meilleur Spielberg. Je pense qu'il a fait des films beaucoup plus profonds, beaucoup plus pertinents et qui restent encore un peu plus. Maintenant, il se trouve que c'est un film qui a tellement marqué ce qu'on appelle désormais la pop culture que on s'y réfère tout le temps. C'est intéressant parce que je repensais récemment à ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y avait eu Donald Trump pendant le Covid avait tweeter quelque chose comme pendant les fêtes de Pâques, vous pouvez continuer d'aller à l'église à tous ses followers. Et je me souviens d'un cinéaste américain, Jordan Peele, pour ne pas le citer, qui avait en fait fait un petit montage photo pour mettre en parallèle une photo de Donald Trump et une photo du maire d'Amity qui disait, voilà, exactement, ouais. Qui pour dire juste que en fait Donald Trump était aussi responsable que le maire d'Amity. Ça veut quand même dire que le film est là. Et qu'il tape dans l'inconscient, effectivement. C'est vrai. Encore aujourd'hui. De ce point de vue, c'est vrai. Parce que le cinéma de conscience, pour le coup, Spielberg le trouvera avec La Liste de Schindler, ou ça la rayonne. Bien sûr. Et même avant Empire du Soleil, qui était sur la Seconde Guerre mondiale, Amistad. Et sur l'esclavage. Sur l'esclavage. C'est au fond, je crois que c'est le problème de Spielberg fondamental. Son vrai problème, c'est que c'est un cinéaste bifronce, on pourrait dire, c'est-à-dire à double face. Il est autant le génie du divertissement que un cinéaste conscient. Quand il fait Munich, par exemple, aussi, qui est un film extraordinaire. C'est autant un wonder boy, un de ces kids qui sont apparus dans les années 70, qu'un vieux sage qui est une espèce de modèle pour tous les cinéastes. C'est un humaniste concerné et un conteur parfois un peu gnangnan, un peu voilà. Et je crois que sa vraie richesse, elle est là. Elle est dans cette position double qui lui permet d'avoir une filmographie d'une richesse inouïe. Bon, et puis techniquement, c'est quand même, on l'a dit, ça fait partie des maîtres. Hein. Mais enfin, quand on revoit le film aujourd'hui, ça a été votre cas. Chez nous aussi, évidemment, on a revu le film puisqu'on en parle. On s'aperçoit que le requin est pour cause n'est pas très crédible. Alors, on a vu toutes les difficultés techniques. Un producteur proche du tournage, Rob Cohen, a même dit qu'il ressemblait à un truc bizarre en caoutchouc. Et pourtant, ça marche. Il y est où le secret, hein? Eh ben, nous sommes tous des grands enfants. D'abord, il est doué. D'abord, nous sommes tous des grands enfants. C'est-à-dire que d'abord, c'est ce qu'on demande aussi au cinéma, c'est-à-dire de nous émerveiller et puis de nous emmener dans des histoires qu'on va devoir croire. Mais je crois quand même que je suis désolé pour tous ceux qui sont les contempteurs encore aujourd'hui de Spielberg. Je crois que c'est un metteur en scène génial qui est capable de nous faire avaler des choses auxquelles normalement on ne devrait pas croire. Et par ailleurs, pour revenir une dernière fois là-dessus, c'est la puissance de sa mise en scène d'avoir su immédiatement que si le requin ne marchait pas, on le verrait, on le suggérerait. D'ailleurs, il apparaît à l'écran, je crois, enfin, j'ai pas chronométré exactement, mais au bout d'une heure vingt ou d'une heure et demie. C'est-à-dire que pendant une heure vingt ou une heure et demie, on attend un requin qu'on ne voit pas. Mais c'est ça le ressort de l'horreur. Bien sûr. C'est absolument ça. Le réalisateur John Milius a raconté un jour, alors je sais pas si vous savez ça, que Spielberg était le seul à acheter des journaux économiques et qu'il parlait tout le temps de fric. En tout cas, de chiffres. Peut-on définir le rapport que le cinéaste a entretenu ou entretient avec l'argent? Je crois que ça aussi, c'est un des gros problèmes de Spielberg par rapport à la critique et à l'établissement. C'est-à-dire que ses films marchent. Et que quand on parle de Jaws, par exemple, je suis toujours très étonné de voir qu'on ne parle que de son succès, que de ce qu'il a changé dans l'industrie. Et beaucoup moins de ses effets de mise en scène, de ses qualités ou de ses défauts d'ailleurs. Mais on ne prend en compte que ses résultats économiques. C'est de sa faute, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement c'est quelqu'un qui a une obsession pour les budgets calés, serrés, qui a su tout de suite s'intégrer dans l'industrie, qui a tout de suite vu que le cinéma était une industrie, surtout hollywoodienne. Comme vous le rappeliez, c'était l'un des rares parmi le nouvel Hollywood à être salarié. C'est-à-dire il était salarié par Universal, il avait fait ce choix-là, appartenir à un studio, ce qui n'est pas rien. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a une vision très très juste et très correcte de l'argent et de la manière dont on le dépense. Par ailleurs, il faut jamais oublier que on en parle comme d'un génie du box-office, mais il a aussi connu de nombreux échecs. Ah, j'allais vous poser la question. Ah bah oui, bien sûr. On finira là-dessus. Et ben, il y en a eu plusieurs, et notamment 1941. Voilà, le plus célèbre. Alors non, c'est pas terrible. mais le plus célèbre est en 1941, ouais. Qui et d'ailleurs c'est intéressant parce que pour moi c'est le film où il montre en fait qu'il appartient réellement au nouvel Hollywood. C'est-à-dire qu'il a fait son film dispendieux, complètement explosé, qui ne marche pas. C'est son Apocalypse Now. Alors Apocalypse Now est resté aujourd'hui comme un chef-d'œuvre et ça c'est effectivement indiscutable. Alors que 1941 reste une comédie qu'on peut à la rigueur à laquelle on peut trouver quelques qualités, mais c'est vrai que effectivement 1941 a été un four notoire. Bah, nous on retiendra des images qui nous ont marqué à vie, la fin de la liste de Schindler par exemple, ou la première scène du Soldat Ryan où il est le premier à montrer ce qu'est la guerre. Elle n'est rien d'autre qu'obscène. Et lui le montre. Ah ouais. Et c'est fort. Merci infiniment, Gaël Golen. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Les Dents de la Mer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.